On m'a déjà dit, quand, dans mon enfance, tiens-toi en ligne droite. Ben, avec qui? Je suis tout seul, moi, là. En ligne droite avec, avec le néant. Ah, oh, mon Dieu. Tiens-toi en ligne droite avec le néant. C'est beau, ça. Ah, oh, hey, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me tiens toujours en ligne droite avec le néant, moi. Ah, mon. Puis si le néant veut pas, là, je le mets en arrière de moi. Place le néant en arrière, là. Il n'y aura que l'infini devant. C'est beau, l'infini, là. Ça s'arrête pas. Non, c'est infini. Ben ouais, ouais, bravo. Tu suis ça de près. Très près, moi, là. Je prends ça en note. Oh, ça va devenir une pièce de théâtre. Ah, mon Dieu. Êtes-vous certain? J'espère que non, parce que il y a du Michel Tremblay, oui. Il y a du Michel Lemieux, oui. Il y a du Michel Michel, oui. Et il y aura du Rénal Michel. Non, du Rénal Gagné. Ah, mon Rénal Gagné. Donc, Non, en théâtre. Oh, en théâtre, oui, monsieur. Aujourd'hui, le vendredi 21 octobre 2011, l'errance, les errances rénaliennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du dessinateur et scénariste de bande dessinée Charles Berberian. Né le 28 mai 1959 à Bagdad, en Irak, il passe sa jeunesse au Liban, puis entame des études d'art à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. C'est pas Paris, c'est Paris. Paris, Paris, Paris, Paris. Il y rencontre François Avril. Puis, à quel mois? Ben, ça, on sait pas lequel mois, là, mais c'est François Avril. OK, mais tu sais pas le mois. Ben, je sais pas, moi. François était là, puis Charles était là, puis ils se sont rencontrés. Puis, en 1983, c'est la rencontre de Philippe Dupuis et le début d'une collaboration toujours vivante. Ensemble, sous le nom de Dupuis-Berberian, ils publieront plus de 25 albums et de nombreux travaux d'illustration. Charles Berberian est aussi attiré par la musique qu'il apprécie comme auditeur et comme musicien. En compagnie de Jean-Claude Denis, Charles Berberian est le frère du cinéaste... Hein, tu veux pas que je dis? Charles Berberian ou de Charles Berberian? Là, je vais dire la monstruosité que j'ai écrite. J'ai écrit comme musicien en compagnie de Charles, de Jean-Claude Denis ou de Charles Berberian est le frère du cinéaste... Quoi? Taisez-vous! Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors, écoutez-moi. J'ai le mort aux dames. Avec Gilles Dupuis, Charles Berberian est récompensé en 2008, puis le Grand Prix de la ville d'Angoulême à l'occasion de la 35e édition du Festival international de la bande dessinée. Est-ce qu'on a le bon camp? On a le bon? Je sais pas. On a le bon? Quand je pense à Fernande, je bande, j'en bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Pénélope, mon Dieu, je bande encore. Quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bande des noms, papa, je ne commande pas. Pas à pas, corps à corps, corps à... Pardon. OK, oui. Oui, monsieur, oui. Avec Charles Dupuis, Charles Berberian est récompensé en 2008 par le Grand Prix. On a le bon. On l'a ici, le Berberian. On l'a ici, là. Bonjour, monsieur. Bonjour, Charles. Moi, c'est Rénal. Ça va bien, mon Charles? Excellent. Reste ici, t'es mon ami. En fait, tu le sais pas, je te l'apprends. C'est ému, hein? C'est l'émotion. C'est émouvant. Comme le sable. Sable émouvant. Oui, c'est... Je suis Québec. Depuis, oui. Je cherche le... OK. On y va. On voit... Il y a de la musique, là. Il y a pas juste du... Non. Il y a rien... Oui, c'est long, hein. Ah, c'est long. C'est une vie entière, là. Oh, monsieur, c'est long, surtout vers la fin. Ça, c'est le Woody Allen. C'est pas de moi, ça. Il y a rien de moi là-dedans. Tout est truqué. C'est de la magie, hein. la magie noire. Ben oui, mais c'est le soir, c'est la nuit. La magie de nuit, il y a la magie de nuit. Il y a le bain de minuit, puis il y a la magie de nuit. Connaissez-vous ça, la magie de nuit, monsieur? Non? C'est... Je vais vous montrer ça, OK? Un, deux, trois, fring, vous ne voyez pas. Hein? Un, deux, trois, fring, vous ne voyez plus. Un, deux, trois, fring, je suis perdu. C'est la magie de nuit. C'est sûr qu'on ne voit pas, je suis à la radio. C'est de la magie. C'est facile, de la magie. Un, deux, trois, fring, c'est ma voix. Hein? Je vais multiplier, là. OK? Attends un peu. Il y a un corridor. Oh! Je suis dans le corridor. Ah! OK. Excusez-moi. Alors, en juillet dernier, Rance Rénaldienne se trouvait là, dans la 11e, dans le 11e arrondissement, où il y avait la belle rondelette. Elle était ronde. Elle prenait 11 arrondissements, mais c'était une belle rondelette. Ah! Comme disait Gainsbourg, on n'en faisait pas le tour. C'est le tour du 11e. Ça a été, hein? Elle était pont haut, monsieur. Elle était pompelette, hein? Oh, elle était... Un voyeur chargé, hein? Ah, ouais, elle voulait pas décharger. Elle était tellement rondelette, hein? Elle était belle, rondelette belle. Oh, c'est mieux. Ah, on aime ça comme ça. Et... C'est des électros. C'est un choc. C'est des ondes. C'est quoi? Bonne émission. Vous pouvez danser, madame, un petit peu d'eau, s'il vous plaît, mais pas trop fort. Quand même, à cette heure-ci, là. Presque minuit 30, les voisins vont aimer ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, on, dansez, les bras, les cheveux, les lunettes, oh, votre bras mécanique, oh, enlevez votre jambe en bois, frappez sur le voisin avec votre jambe en bois, 1, 2, 3, assommez votre voisin. Ça, c'est une belle soirée, hein? Avez-vous acheté des... Ah oui! Ah! Des pré-rénales. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I said love. I said I want you love.

on n'est pas obligé de planifier, on n'est pas obligé, quand on part en voyage, on n'est que tous les deux, je peux aller voir plein de concerts, je peux travailler à n'importe quelle heure, alors que lui n'est vraiment pas maître de son temps là, depuis plus d'un an maintenant. Il recommence à zéro. Mais oui, ça lui plaît beaucoup, ça, il est vraiment très heureux, ouais. Et quand tu la secousses, émousse. J'ai une amie qui m'agousse, une espèce de pousse de bambou dans sa brousse qui pousse. J'ai un ami qui m'agousse, un gourdin dans sa housse. Et quand tu la secousses, émousse. Faut voir, hein. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse. Et quand tu le secousses, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousses. En avant toutes et tous, je pousse. Lui, je lui ai demandé s'il veut faire l'amour avec moi. Je lui ai demandé s'il a des préservatifs, s'il en a, je pars avec lui. Oh. Et madame, de 4 pieds 6 pouces, un peu de pamplemousse, quand on le secousse. Je vais aller vers lui, je lui ai demandé s'il veut faire l'amour avec moi. Arrêtez, je lui ai demandé s'il a des préservatifs, s'il en a, je pars avec lui. Coupies. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Il est sur lui. Les souris, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles. C'est comme ça, oui. Bref. Cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Buck, Buck, Buck dans le tour du monde. Ça, c'est Charles, non pas Charles le Berbérien, mais Charles Bukowski. Il y a plusieurs Charles, là. Nous, on a quand même le summum du Charles, là. Charles le Berbérien, dessinateur, là. C'est le gars qui conçoit avec... avec le doigté, là, avec l'œil, avec la dextérité du crayon et de l'imagination et du génie. C'est Charles Berberian. Je ne rencontre pas n'importe qui, moi, là. Hein? Je ne rencontre pas le premier artiste du bord. Là. Je fais ma recherche. Là, j'arrive sur quelqu'un. Il faut que je le rencontre. Et là, je travaille pendant une année. Je regarde l'année. Je t'attends, et là, pow! À un moment donné, ben, à force de lui envoyer des courriels, de lui envoyer des SMS, des SOS, et des « voudriez-vous me rencontrer? » Je suis un animateur québécois qui tente de faire son chemin à travers le Nirvana. Je suis Reynald Gagné. Alors là, Bukowski, la première phrase de la recherche de savoir, c'est pas Proust. À la recherche du savoir, c'est Marcel Mousse. Ah, mon Dieu, mousse le nana, mousse le café, Marcel mousse le nana, mousse le café, tape la vie, tape la poire, mousse. C'est pas Marcel Mousse qui a chanté ça, là. Là oui, bien, c'est un grand chanteur, vous saviez pas, c'est pas juste un écrivain, là. Hey, il cherchait pas juste le temps perdu, Marcel Mousse. Et puis, il savait très bien. Et ça, c'est intéressant de le souligner, madame. Pouvez-vous le prendre en note, là? C'est qu'il savait, lui. Et là, je veux la dire dans le bon ordre, c'est un gag, mais c'est le gag, là, le gag. Il savait que Marcel ne ramassait pas mousse. Oh, oh, oh, c'est ça, là, oui. Et c'était pas de la mousse à papa. Oh, non, maman, c'est pas de la mousse à papa. Alors, le titre, non, c'est la première phrase. Ils ont tiré la sonnette, les deux frères. Ils ont pas juste tiré la sonnette. Ils ont tiré la personne qui était derrière la porte. C'était Sambraro de la Marseillaise. Déjà là, ça sonnait louche. Il avait même pas pesé sa pitoune pour faire bing-bong, bing-bong. Parce que la sonnette était pas branchée. Et quand on branche pas une sonnette, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a rien qui se passe. Ben, c'est ça. Quand il se passe rien, ben... C'est ça. C'est le blanc total. Mais oui. Puis là, qu'est-ce que vous croyez qui peut arriver quand tu pèses sur quelque chose qui n'est pas branché? Ben, l'inébranchable se débranche. Ben monsieur? Voilà. Allô? Monsieur? Oui? Excusez-moi. Oui? C'est moi? Est-ce que... OK. Ben, madame, vous êtes en pleine... nous faisons l'émission Errance Reynaldienne. Vous êtes à CKRL, le 89.1, la radio des découvertes. Non, c'est la radio... comment ça s'appelle maintenant? Là? C'est la radio de Québec. Et... oh, je m'en suis échappé belle. Ah, oh, je m'en échappe toujours très bellement. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, ben oui, c'est ça, madame. Là, je fais une improvisation. Vous me coupez en plein courant d'air. Ben oui, mais là, c'est elle s'exprime. Oh, c'est vrai. Pourquoi arrêter, malheureusement, le frein lorsqu'on est déjà prêt à s'élancer à travers une caravane de mots et de langage? Oh, excusez-moi, je voulais pas vous... Monsieur? Oui? Monsieur? Oui? Excusez-moi. Oui, madame, je me présente. C'est moi-même. Est-ce que... Oui, oui. Est-ce que vous... Oui, je peux. Est-ce quoi? Que vous avez des cigarettes? Non, non, je suis pas fumeur, moi. Là. Mais vous... Oui, je... Vous fumez? Non, malheureusement, non. Excusez-moi. Bon, il n'y a pas de problème. Mon courriel, c'est Rénal Québec, RAK... Non, mais madame... R-A-Y-N-A-Q, avec Madame Reynald. Madame Reynald, non, ouais, non, c'est pas Madame Reynald, c'est Reynald, c'est moi, ça. R-A-Y-N-A-L-D-Q-U-E-B-E-C, à commercial.com. Rénal Québec, c'est moi. Écrivez-moi, Madame Québec, parce que c'est Rénal. Hey, monsieur. Hey, donc, c'est ça, là. Je pouvais même pas sonner, moi, là. Il pouvait pas sonner. Fait que, qu'est-ce qu'il s'est dit? On va frapper. Bang! C'est dans la porte. La porte pète, pète dans la porte, pète dans la porte. Là, à un moment donné, il y a eu comme un vent, une senteur nauséabonde. Oh, et c'était le bon de mon poing. OK, non, c'est la bombe. La pompe. La pompe, pas la bombe. Parce que la bombe, c'est un maire de Québec qui, non, on va l'oublier. Mais c'est la pompe. OK, c'est, oui. Et patang! La porte, ça ouvre. Là, je vois mes deux orlots berluses qui étaient couchés sur le sofa et qui attendaient le trépas. Et puis, ben, le trépas n'est pas arrivé puisque j'étais là avant elle. Oh! Avant lui. C'est le trépas. Le trépas, avant lui. Mais je suis arrivé là avec deux bières de CKRL. Ça, c'est deux gros 50 millilitres de bière de CKRL. Hey, les gars, on va boire ça avant de... Là, ils m'ont dit, ouais, mais là, il y en a deux, puis on est trois. Ah, oh, ben, allez-y, débouchez. Mais là, ils ont essayé de déboucher, puis ça débouchait pas, parce que j'avais mis de la colle, faut rire, c'était de l'humour, ça. Mais là, je voulais juste balancer ça. Non, ça se débouche pas, ça se décapsule. On perd la tête, on perd le houblon, puis pff, ah ouais, non, on pète la, oui. Mais préparez-vous, madame, monsieur. Non, c'est madame. Oh, vous êtes madame maintenant? Oui, mais moi, c'est madame avant d'être monsieur. OK, après une bière, je suis monsieur. Oh, vous virez de madame à monsieur. Oui. Michel Fugain l'a déjà fait. Comment ça, Michel Fugain l'a déjà fait? Mais oui, c'est... Maintenant, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans un faux fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 10 euros, partez. Tous les projecteurs vont s'animer. Et monsieur, je pense que c'était mieux que ça, hein? Ça avait fait un succès exceptionnel, mais là, avec vous, c'est... Mais c'est ça, tire-toi! Oui, ben oui, je me tire. Attendez, là. On va se tirer tranquillement. Premièrement, si je veux me tirer, je me tire, moi, là, hein? Le suicide, c'est personnel, cela, là. Personne ne va m'obliger à me tirer si je ne veux pas me tirer, voilà. Attention, ça s'en vient, là, mais pas là, là, voyons. Alors, la première phrase de Charles Bukowski, c'est « Ils ont tiré ». Ah, oh, ben, on l'a fait, la première phrase. C'est pas la première fois qu'ils vont tirer. En parlant de tirer, regarde, écoutez bien la dame. Mais c'est ça, tire-toi. Ça tombe bien, madame. On a tiré la sonnette. Tire la sonnette. C'est de l'improvisation, ça pouvait pas tomber aussi bien. Alors, le titre, c'est « Le meurtre de Ramon Vanquez ». Vanquez. Oui. Deux caisses de Vanquez, s'il vous plaît. Messieurs, on voudrait avoir une caisse de Vanquez. Deux caisses de Vanquez. Deux caisses de Vanquez, froide ou chaude? Chaude, parce que ça va finir chaud quand même. OK, deux caisses de Vanquez chaudes. Est-ce que c'est plus dur à gérer? Non, les comprimés viennent avec. OK, alors ça, c'est pour pas être chaud? Non, c'est pour pas avoir mal à la chaleur. Oh! Ça, c'est l'andropause. Non, c'est l'extraménopause. Oh! Chez l'homme, c'est l'extraménopause ou l'extra-andropause? Non, c'est l'extra. C'est extra. Un maudit blues qui cherche le blues et le chemin mouillé. Et dans un moussier de mots, une feuille mais qui vient se noigner. Mais c'est ça, tire-toi! J'en ai tout le corps qui tremble, passé la nuit à t'attendre dans le rocking chair. Rocking, rocking, rocking chair. Rien de tel pour se détendre. De mon revolver dans le rocking, rocking, rocking, rocking chair, rocking chair, le rocking, rocking, rocking, rocking chair, rocking chair. C'est bien. Et je me sens presque à bout de nerfs dans le rocking, rocking, rocking, rocking chair, rocking chair, dans le rocking, rocking, rocking, rocking chair, rocking chair. Je vois ton regard qui flanche et tes petits seins qui s'étendent sous ton pull vert. C'est ta biloque, toi roule des hanches. C'est fou, c'est que ça me démange de t'envoyer six pieds en l'air. Dans le rocking, rocking, rocking, rocking chair, rocking chair. Oh, dans le rocking, rocking, rocking, rocking chair, rocking chair.

tellement bleue qu'elle est encore toute moulue. Elle est encore toute mouillée. Tellement beaucoup qu'elle a plu. Ça fait jamais qu'une borne que tu m'aimes. Je sais pas si je veux te connaître plus loin. Arrête de me dire que je vais pas bien. C'est comment qu'on ferait. Je voudrais descendre de là. C'est comment qu'on ferait. Je voudrais descendre de là. Cascadeur sous Ponce Pilate. Cherche un circuit pour que je m'éclate. La lune s'égare, je peux contrôler. Les vitesses, c'est déjà plus calé. C'est comment mon frère. Je voudrais descendre de là. C'est comment mon frère. Je voudrais descendre de là. Cosaque, moi et le canon. Je nage dans le boulard, je rêve des rations. Caractériel, je sais pas dire oui. Dans ma peau cervelle, carton mouillé. C'est comment qu'on fait. Je voudrais descendre. Avec moi-même, je me colle au pare-brise, ça me gêne. Ça sent cramé sous les projets. Regarde où j'en suis, je traîne l'eau et nous. C'est comment mon frère. Je voudrais descendre de là. C'est comment mon frère. Je voudrais descendre de là. Allez. Hey, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et il l'a dit quelques secondes avant de nous quitter. C'est-à-dire? Ben, lorsqu'il était... Mais le CD... Le CD a cédé. C'est beau de voir ça. Avez-vous déjà remarqué? Non, j'ai jamais vu ça. Mais avez-vous examiné? Non, j'ai jamais examiné. Lorsqu'un CD cède... Oh! Qu'est-ce qu'il arrive? Ben, il meurt, oui. Il décède. Le CD cède et décède. Ben, très souvent, le CD cède et décède. Oh. Et puis, c'est quoi le constat? Ben, le constat, c'est que c'est terminé pour lui et il ne reviendra pas. Donc, il pleure à gros bouillons et puis on ne le reverra plus. Et quand on ne le revoit plus, ben, il est absent. Pour la vie éternelle et... Non, il est là pour la vie éternelle, mais il est absent pour notre vie à nous. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, l'errance renaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. L'errance renaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Et là, je tente de couper... Single, est-ce que c'est ça, single? Allons-y donc, single. Single, the free on penury. Bonsoir. Ça va bien? Moi, c'est Rénal Gagné. J'anime une émission, je suppose que vous la connaissez, là. Je ne veux pas non plus vous paraître un peu, comment tu dis ça, vulgaire, non, tributaire de ma connaissance si peu générale. Oh, ah, c'est bon ça. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bon, c'est Rénal. Rénal Gagné. J'en reviens, vous? Je crois qu'on s'est déjà vu, non? Oui, on s'est vu hier au soir à Saint-Dilon. Ben, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Et l'errance rénaldienne, c'est con. Hey, c'est quoi ça? Ben oui, c'est... Hier au soir, y a-tu là, oui. Hier au soir, à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Avec les idées, les bonjour, allô, jeunes vies, les beaux idées, les bons, les pitons, joue les pitons. J'ai jamais entendu ça. Oui, c'est de Gilles Nino. Oh, Nino Ferrer. Non, Gilles Nino. Nino qui? Ben, Gilles Nino. On a le Gilles Nino, là, qui s'est... Mon pays! Oh, c'est Gilles Vigneault. Ben oui, Nino Vigneault. Ben. L'errance renaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Qu'est-ce qu'il voulait dire, donc? Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, ça, c'est intéressant, là. Nous mâcherons. Très intéressant. Nous squeezerons. Nous éplucherons. Nous déshabillerons. Poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Pourtant, il y a beaucoup de choses que je peux supporter. Tenez, je peux même lire les lignes. Okay. Le Kundera, c'est quoi obligé de consacrer à Yann Hatchek? Et pourtant, Dieu sait encore que ça peut être rasant. Ah oui, allez, écoute. Moi, quand je veux me raser, je lis Kundera. Légèreté de maître coupé, là. C'est là, c'est pas ça du tout, ça, là. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. Ben, c'est ça, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Non, c'est pas l'être. C'est pas l'être, là, doux, là. C'est la... Regarde-moi ça, là. C'est incroyable comment vous êtes inculte. Oh, mon Dieu, c'est merveilleux. Non, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Non, c'est de qui? Ben, c'est de Kundera. De Tikkun. Pas de Tikkun, de Kundera. De Kundera. Le ramasse la rose de Tikkun des roses. Tikkun des roses, c'est. Hey, là, les gens là, veulent savoir le mot de la francophonie. Oui, c'est ça. Alors, dans le château symbolique, nous mettons sur la sellette le mot confidence. Et là, dans l'intimité, là, on aime bien ça donner à nos conjointes des confidences. Là. Pour qu'elles s'imaginent qu'elles sont les seules à savoir ça là, de nos jardins secrets. Là. Des fois, on doit inventer des petites affaires. Hey, tu mens! Non, je mens pas, là. Je mens pas. Je crée des nouvelles sensations que j'ignorais moi-même à l'intérieur de moi. C'est ça, t'es un menteur. Ben non, un menteur, c'est quelqu'un qui ment. Moi, je mens pas, moi. Non. Moi, je bricole des sensations. Oh! Je mets au monde de l'imaginaire. Oh! Je suis un créateur à l'état brut. Ah, pour être brut, t'es brut. Ah, plus brut que ça, là. Tu manges du foin. Ah, je mange du foin. J'échange du foin. Le foin amène le cheval. Le cheval est dans le chevau. Le chevau est dans le trépas. Le trépas. Hey, mais les chevaux blancs de pathétique. Les chevaux blancs mentent de l'usine. Les chevaux blancs tirent la calèche. Et que lèche le bout du chemin. Hey, c'est poète, ça. C'est très poétique, ça. C'est très poète. On dit pas c'est très poète. On dit c'est très poétique. Ben voyons. Je connais une... Oui, il faut vous... On peut pas raconter ça, OK. La fille qui disait qu'elle aimait ça, l'érotisme. Non, elle disait l'érotisme. Ah oui, j'aime ça, l'érotisme. Mais moi, j'aime ça, l'érotonze aussi, parce que l'érodo, c'est plus difficile, mais l'érodisme, c'est sensationnel. Oh! C'est sensationnel. L'érotisme, l'érotonze. On a le bon... On a le bon, les rotonzes. On a le bon. Le bon tonton, pom, pom, pom, pom, pom, c'est ça. Ah, bon. Je me demandais si j'allais te revoir un jour. Hein. Ah, mais c'est moi, madame. Vrai, tu rends visite à ton frère, mais oui. Nous, alors c'est comme si on n'existait plus. Ah, mais. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est si terrible pour toi de venir nous voir de temps en temps. Pas du tout, mais. Mais je dois dire, mémé, que je suis très occupé, mémé. Je dois te relater mon cheminement et surtout mon horaire, mémé, là. Alors, dans une semaine, il y a 6 jours. Alors, prends ça en note, là. Prends un petit crayon, un petit papier, là. Tremblote ça dans ton cahier à musique. Parce qu'elle fait des la mineurs, des la majeurs, et elle ne cherche que la discorde, et surtout, là, comment t'appelles ça, là? La fausse note. Alors, le lundi, je travaille. Parce que le dimanche, on va revenir au dimanche, OK? C'est comme, lundi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont les chemins pour me serrer la pince. Là, on est en confident, on se confie, là. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi. Mardi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont les chemins pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mercredi. Ah non, il va le faire. Mercredi matin, le roi, le public, ça va, mais son prince, jeudi matin, vendredi matin, samedi. Alors, le lundi, madame grand-mémé, lundi, je travaille. Mardi, je travaille. Mercredi, je travaille. Jeudi, je travaille. Vendredi, j'anime l'émission Errance Rénaldienne qui sera diffusée 2 semaines après. Oh mon Dieu, c'est mêlant. Non, 2 semaines après, c'est mêlant. Ben non! 2 semaines après. Après quoi? Après coup, après avoir réagi, après que mon cerveau se soit mis en marche. Ça prend 2 semaines. Oh mon Dieu, oui. 3 semaines, un mois et demi, 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. Qui dit mieux? 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 20 ans. Adjugé, 20 ans. Alors, 20 ans. Mais après ça, le samedi, montage de l'émission, montage de vidéos. Oh mon Dieu. Dimanche, on travaille. Alors, c'est ça notre existence, madame. On perd notre temps au travail. C'est ça la confidence qui foulait. Hey, avant de fouler le mot et de se fouler la langue, tu t'es déjà foulé la langue? Ah, je me foule la langue à chaque mot. Mais je me l'enrobe. Dans quoi? Ah, dans la santé intellectuelle et langagière de ma frivolité linguistique. Oh mon Dieu. Alors, confidence, on l'enferme, on le place dans le cachot du château symbolique de la francophonie. Sorry, angel. Sorry, I sent you to suicide, lover. It wasn't worth the pain. Without me, you decided, lover, on the voyage of the vain. Such a dark vertigo, lover.

sick of the street. Look at the rich in your face. Living in run over the place. Making me angry, making me hurt. And reach in, getting me dirt. Alors, comment ça va, vous, madame? Je voulais pas te raconter l'histoire de mon petit chaton. Oh! Mon chaton draveur. Oh, vous avez un chaton draveur. Ah oui. J'ai déjà parlé de ces pitounes. Oh, ben oui, dans d'autres émissions, les pitounes de votre chaton draveur. Oui. Il est très brave, mon chaton. Ben oui, j'espère, il est draveur. Non, j'ai pas... Oui, draveur, mais il y a des draveurs qui sont pas braves. Hey, montez ces pitounes si t'es pas brave. Ouais. Faut avoir un petit manque de lucidité. Alors, vous dites, vous, là, madame... Oui. Vous dites, là. Oui. Qu'est-ce que je dis, moi, là? Attendez, là, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien, t'as rien dit. Ah. OK, parce que si moi, je dis rien, elle dit rien. Ben voilà, c'est ça. Puis si c'est le silence, ben... Si c'est le silence, c'est rien. Là, attention, là. Là, tu veux me dire... que le silence... n'est rien. À mon avis. Oui. Ben, si tu dis rien. Alors, le néant. Le néant n'est rien. Le néant n'est rien. Le néant. Le néandertal. Ah, il est quelque chose, lui. Mais le néant. Il n'est rien. Il n'est pas si intéressant que l'autre. L'autre. Ben, il a l'infini. Oh! Alors, pour toi, attention, là, c'est sérieux, minuit quelque, là. Pas quelque, minuit 8, 8, 9, 9, 8 et demi, 8 et demi, 9, 9, 9, 9, 9 et demi, 9 et demi, 3, 3 et demi, 3 et demi, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 et demi, 5 et demi, 6, 6, 6, 6 et demi, 6 et demi, 7, 7, 7, oui, je serais certain, 7, pardon, 7, 8, 8 et demi, oui, 8 et demi, 8, 8, 8, 9, 9, 9 et demi, 10, 10, 10, 11 minutes, ben voyons donc, toi, 11 minutes de 8 à 11, 8 à 11, 3 heures d'émission, 8 à 11, mais non, t'es complètement congestionné. Ah oui, moi j'ai la cymbale au niveau de la lurette. Ah, lâche la lurette et la cymbale, c'est vrai. Alors, le néant, c'est le contraire de l'infini. Tu veux vérifier quoi? T'as eu raison? Non, j'ai... De toute façon, t'as eu tort. On n'écrit pas sans avoir vu. Ça, c'est... Hey. Ça, c'est vraiment le critique qui écrit sans avoir vu, surtout s'il est dans le milieu du 7e art, comme dans le milieu des BD, des bandes dessinées, de l'illustration visuelle. Est-ce que je peux m'y arrêter? Quoi, dans l'illustration visuelle? Oui. Avez-vous déjà vu, vous, une illustration qui n'était pas visuelle? Oui, une illustration sonore. Ben voyons donc. Ben oui, on appelle ça une illustration sonore. Exemple! Attendons, excusez, on va faire un... Mes chers frères, nous sommes ici, recueillis entre les orties. Nous cherchons l'oiselet qui se cache sous le nid, dans le nid, près du nid, en bas de l'arbre, entre les feuilles, l'herbe. Voyons donc, c'est des larmes. Oui, mais c'est l'automne. Oh. Et l'automne, il y a... De la pluie. De la pluie. Et après la pluie? Le beau temps. Oui, OK. Et le beau temps fait? Fait plaisir aux gens. Fait plaisir aux gens. Le beau temps fait? L'automne. Oui, l'automne. Et l'automne fait? Fait tristement paraître les gens mélancoliques. Oh! Et sinon? Ben sinon, ça fait? De la belle couleur. Oh, de la belle couleur. Au niveau des arbres. Oh! Et les feuilles... sont dans les arbres. Plus beaucoup. Non, c'est vrai. Ils tombent. Ils tombent. Ils tombent par... Par milliers. Oui, mais où? Par amas de feuilles. Oui, à quel endroit une feuille tombe? Par terre. Bon, alors là, la terre... La terre est dans les feuilles. Oui, mais... Alors, une illustration sonore, mon individu. Oui. C'est ça, c'est assembler l'écho... Et l'amener jusqu'aux oreilles. Alors, il y a illustration sonore, illustration visuelle. Comme là, actuellement, si vous nous regardez par Internet. Oh, plusieurs. Ben oui, plusieurs écrans. Internet. Et une écranse. Oh! Je trouve que ton écran est étrange. Ouais, oui, c'est sûr, c'est son visage. Ah, c'est ça qui fait que... Ça peut-tu casser ma nouvelle télé? Moi, on m'a dit que c'était pas une télé. C'était quoi? On m'a dit que c'était un écran. Ben oui, mais... Ah oh, oui, OK, oui, monsieur, oui. Vous m'avez acheté un écran? Non, je vous ai vendu. Vous m'avez vendu un écran? Ben oui, je ne l'ai pas acheté. Ah non, c'est moi qui vous l'ai acheté. Ben voilà, c'est ça. Alors, je vous ai acheté un écran. Ben oui, vous m'avez acheté. Bon, un bel écran, ça. Ça, c'est 32 pouces, vous m'avez dit. Oui, 32 pouces, pas de doigts. 32 pouces, pas de doigts. Ah, ben, il y en a dans l'écran. Oui, ben, c'est normal, il faut l'essuyer. Oh, avec un quoi? Avec un chaton. Oh, moi, j'ai un chamois. Non, c'est un chaton de 2 semaines, hein. Puis, il faut que, si vous passez le chaton, là, mouillez-le pas. Ben non, il va faire rouin, puis il va me mordre. Puis, ben non, c'est un chaton, ça va grouiller un peu, puis... Vous l'endormez en chantant « C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu un petit chaton. » La poule, la poule, ça pond pas des chatons. Ben voyons. On le sait, ça poule des... Ça pleut des poules. Ben non, des poussins, des poussins. Après, c'est quoi des poussins? Ben, c'est des poules. Mais c'est pas des canards, là. Ben non, il y a un canard qui... T'es un sérieux personnage. Merci. Faut toujours rester sérieux. Surtout lorsqu'on transige. On transige quoi? La connaissance. Oh! Au peuple. Oh mon Dieu, le peuple n'est pas intéressé. Ah, c'est vrai. Faut les divertir. Ensuite, flan, t'arrives avec l'information, là, des plus pertinentes. Là, ils s'imaginent pas que c'est la vérité, là. T'es comme en train des soudoyer. Soudoyer? T'es soudoyer. Ah, mon Dieu. Alors, il faut pas non plus inintéresser le peuple. Oh, et avoir un discours qui ne s'accroche pas à la réalité. Ah, ben là, ça se décroche. Ben oui, mais c'est l'automne. Ben tu viens de le dire. Alors, faut que tout tombe. Oh, même les idées préconçues? Même les idées préconçues. Oh! Et quand les idées sont préconçues... On avale. On avale toute la liberté et surtout l'intelligibilité. Oh, monsieur! L'intelligibilité de tout... Êtes-vous certain? Ah, je suis très certain de dire l'intelligibilité. Je l'ai dit, hein, Jean-Charles. Ben oui, en répétition. Il n'y a pas de répétition ici, non. Là, faites croire aux gens là que on fait comme des émissions de télé, c'est-à-dire que tout est prévu d'avance. On ne sait pas que on va avoir ce son-là, là, puis que je me suis tapé à la main dans le jus. Dans le jus de rénal. Ah, oh, mon Dieu, ça sent le jus de rénal. Hein? Ah, on va vendre ça au Radio-Ton de CKRL. Oh! 2 onces de jus de rénal. Oh, c'est... moi, je vous conseille un drink rénaldien. Oh! Alors, si tu pouvais arrêter d'y penser à ta gueule. Oui. Mais, on va voir un film, là, on va pas au bal. Ouais, là, c'est vrai. Non. C'est quoi ce film, d'ailleurs? C'est le film Serge, c'est ça? Non, c'est pas des films... Non, ma douce enjumée, c'est pas un film serbe. C'est un film qui me serre le cœur parce que c'est tellement triste à la fin. Elle va mourir d'un cancer généralisé. C'est triste. Mais, à la fin, comme tous les bons films, elle m'aime pas dans le film. Ah, non, ben, c'est même pas que j'existe. Je suis assis dans la salle, c'est moi qui pleure le plus. Tout le monde rit autour. Ben oui, mais c'est une comédie. Mais on meurt. Elle meurt pas, c'est une pièce de théâtre. Oh! Alors là, tu me dis que je regarde un film, puis c'est une pièce de théâtre. Ouais, mais attends un petit peu, je vais te relater l'histoire. Relate-moi pas ça. Oui, oui. Le film raconte les aventures rocambolesques d'une comédienne qui tente de dédramatiser la mort suite à cette vérité qui est très souvent... Véridique? Oui, mais qui est... La vie. Et donc, elle tente de jouer sa propre pièce. Oh mon Dieu, comme Molière. Oui, elle va mourir sur scène. Oh mon, ça c'est clou. Oh mon, bien planté. Au cœur. Non, c'est dans l'esprit du peuple. Oh mon. 3, 4! Je suis fière de ne

81 et 21. Vous étiez à l'émission Errance Canadienne. On se retrouve quand? Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui, hey, madame, chut. On se retrouve la semaine prochaine à Errance Canadienne. C'était Rénal Gagné. Merci à Mme Thibodeau, Mme Duchesne, Mme Boisclair. Est-ce que l'eau était si claire que je m'y suis noyé? Ah, la claire fontaine. Merci. Alors, excusez-moi, j'avais un gorgoton. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Si vous voulez m'écrire, Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercialhotmail.com. Et puis, heureux de vous avoir senti ici avec moi en ce moment précis. Et puis, c'est comme ça jusqu'à une vitam paparman. Est-ce plus facile pour un papillon? Un facochet ou un caméléon. Est-ce plus facile pour un puma féroce que pour un dindon, un rhinocéros? Est-ce plus facile pour une antilope que pour un colibri ou un lémur nyctalope? Est-ce plus facile pour les dernières baleines que pour les dauphins zigouillés par centaines? Rocher vorace sous petite tablette en rivière, ta main noire solitaire ou fourmi ouvrière. Est-ce plus facile pour les abeilles licenciées que pour les pandas chassés ou les éléphants blessés? Est-ce plus facile pour un mari trompé

poussé à éventuellement envisager la bande dessinée d'une autre manière. Mais à l'époque, mais j'étais à tes débuts, les années 80. Oui, j'étais à mes débuts, mais j'étais aussi très très obnubilé par, enfin, ou en tout cas dirigé par l'histoire, par l'histoire. Tu vois, enfin, quand je dis par l'histoire, le Major Fatal m'a impressionné. Mais en même temps, en tant qu'auteur de bande dessinée, ce que je voulais, c'est apprendre à savoir raconter des histoires. Elle s'est retournée, j'ai compris le danger. J'étais une proie facile, soudain très isolée. Quand des petits anges enfants de guerre m'ont détourné son regard, mon heure avait pas sonné comme les cloches de l'église. Elle m'a laissé continuer à vaquer vers l'Harlem du hibou, mon ami qui niche sous un toit en faisant des ou au milieu des esprits. Il invite les chamans qui servent l'ayahuasca, potion hallucinatoire qui te fait tout savoir. Je tenais plus mes pinceaux, j'en aurais mis partout. Je crois que j'ai couvert les murs, je m'en souviens plus. Le vent chassait les nuages, c'était maintenant le soir. Les immeubles qui flambent dans une lumière d'or. Faut faire le bilan après l'apocalypse et soigner les blessés. Dans le subway, direction Columbus, un gorille me salue comme si nous étions frères. Il me parle de sa fille qui mange trop de sucre et puis d'un escroc landau qui l'a gravement plumé. Nous, tout comme musiciens, ont sorti leur matos. Entre deux stations, ont joué une chanson. Sale temps pour les cigales, personne ne les écoutait. Alors les deux sombreros ont changé de wagon. Passagers migrateurs dans ce train face à face, un grizzly, trois caniches, chacun dans son espace. Cru, huppé, jazz and woo, Popeye, Abercrombie, le visage impassible, concentré sur rien. Les fils blancs des hypothes sortaient de leur pavillon, jouaient sur Blackberry pour tromper le temps. J'ai quitté le sous-sol, remonté en surface au niveau de la mer. J'ai retrouvé un peu d'air. La pluie avait cessé dans la nuit des néons, les enseignes qui flashent et qui explosent la rétine. Debout sur patte arrière, m'emboussé sur I4, faisait cuire des hot dogs pour touristes arc-en-ciel. Et les fourmis processionnaires glissaient pas à pas dans une odeur de foire, amande grillée et dollars. Les familles hippopotames devant les musicaux s'imaginaient lévrier sur les planches de Broadway. deuxième avenue, je récupère un vélo et j'avance dans le tempo. Je rejoins le peloton de gazelle fluo qui traverse la nuit pour mieux rester en vie. La tête dans le guidon, je continue, je roule à fond. Jusqu'à Greenwich Village, je retrouvais un ami. Mais à Christopher Street, j'ai beau avoir fait vite, on me dit qu'il est parti. Les boutiques fermées, on éteint les vitrines, on sent que c'est la crise depuis le Queens à Brooklyn. Je tombe sur un autre gang qui sniffe de la poussière en arguant les facochères. Misère vénère, les garous en colère, les loups ont l'entassé d'être traités comme des chiens. Sensation d'étouffement, que va-t-il se passer? Car déboule la police, l'escouade rhinocéros qui se la joue féroce. Le cellulaire qui vibre comme un réveil. Personne à l'appareil. Downtown, il fait noir. Battery Park, le silence. Les palissades, il y a les grues, les engins, ils s'affairent à refaire sur la place de l'enfer. J'entends encore le bruit, le carreau et les cris de l'écroulement d'un monde ici à Ground Zero. C'était un 11 septembre qui a tout déclenché, l'effondrement d'un monde en perdition. Maintenant, faut reconstruire quelque chose de nouveau. À l'image du phénix qui fut l'élu des ruines. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.